cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فانتهينا في درسنا الأخير من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. On a fini dans le cours précédent la partie sur le premier verset. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité 10 versets min al-Qur'an al-Karim pour expliquer, pour détailler, pour montrer هذه الهجرة العظيمة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بتوفيق الله عز وجل on commence la lecture du deuxième verset. قال رحمه الله وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الأولوية تتضمن أمورا. ثم إلى سيدي رحمه الله هذه الآية العظيمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن doit l'aimer plus que son propre nafs. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولى بالمؤمنين من أنفسهم في التحكيم bien sûr. أي si النبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné une chose et un autre et nous ordonne autre chose, on est obligé de suivre النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله il a cité 4 points. قال وهذه الأولوية تتضمن أمور أو plutôt il a cité plusieurs points. قال منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه أن يكون أي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on doit aimer النبي صلى الله عليه وسلم plus que notre propre نفس كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحديث الذي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. Donc لا يؤمن المؤمن jusqu'à ce que أو tant qu'il n'aime pas النبي صلى الله عليه وسلم plus que ses propres enfants, ses propres parents et son propre nafs. قال أن يكون أحب إلى العبد من نفسه لأن الأولوية أصلها الحب ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا فيجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها وأحب إليه منها فبذلك يحصل له اسم الإيمان. Et al-mu'minun yatafawatun fi hadha. بعض الناس izam, ou بعض al-mu'minun plutôt izam al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus que d'autres croyants. Plus la foi du croyant elle est élevée, imanuhu il est qawi, plus il aimera Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que son nafs. Et plus al-mu'min il a des faiblesses, il a des manquements, il aura des faiblesses dans cet amour. قال ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الإنقياد والطاعة والرضا والتسليم والسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. تقدم معنا أن هذه المحبة سيبا مجرد دعوة أو ادعاء أو تمني. Cet amour du prophète صلى الله عليه وسلم c'est pas une simple prétention. لا فلا بد من عمل هذه المحبه هذه المحبه ستامو سافا امبليكي دي شوز فسلوي كي صادق في محبته كي فيريديك دون سون امور دو بروفيت عليه الصلاه والسلام اي ميتر ان ابليكاسيون بوكو دو شوز Et plus l'insan il a des faiblesses dans cet amour, plus il aura des faiblesses dans la mise en application. قال ويلزم من هذه الأولوية الأولوية ça vient de قوله النبي أولى بالمؤمنين أولى quand on dit فلان il est أولى et il passe avant. Enfin, si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il passe avant ton propre nafs, que ça soit dans al-muhabba, que ça soit dans al-rujou' ilay, inda al-khilaf, quand il y a une divergence, on doit revenir à lui alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, si c'est vraiment le cas, qala wa yalzamu min hadhihi al-awlawiyya al-muhabbati kamalu al-inqiyad wa at-ta'a wa ar-ridha wa at-taslim. Fata'ammal hadhihi al-ma'ani al-'azima, al-inqiyad c'est la soumission, at-ta'a c'est l'obéissance. Al-rida ou al-taslim, c'est accepter, être satisfait de tout ce qui vient du prophète, alayhi salatu wa salam. Qala min al-rida bi-hukmi, ou al-taslim li-amri. Ay, idha hakama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi-shay, matalan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé dans un hadith que telle chose c'est haram. Même si un autre, il vient, il essaie de nous prouver, il argumente, annahu, c'est permis, on rejette sa parole, qui qu'il soit. قال والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. إيثاره أي on doit faire passer le jugement, l'avis, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tous les autres jugements, avant toutes les autres paroles, avant tous les autres avis. فالإدعاء لا يكفي. On le répète هنا. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, on doit suivre ce prophète alayhi salatu wa sallam. Qala wa minha an la yakun lil'abd hukmun ala nafsihi aslan, bal al-hukmu ala nafsihi lil-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fata'ammal hadha al-kalam al-azim. Et on n'a pas le droit de vivre comme on veut, de faire ce qu'on veut, de choisir ce qu'on veut. Là, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يباس avant ton propre nafs. فأنت si tu désires faire une chose et النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit cette chose, tu n'as pas le droit de la faire même si tu as envie. قال ويحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده. نعم أعظم من ذلك أي un homme qui a un esclave, il a le droit de lui donner des ordres, etc. Il a un haq azim alayhi. Fal Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son haq sur nous, il est encore plus grand. Et on doit lui obéir. Qala, wal walid ala waladih. Et comme tu obéis à ton père alayhi sallam, comme tu obéis à qsada à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu obéis à ton père, c'est par rapport à l'obéissance du prophète alayhi sallam. Wa illa va al walid, le père, il a un haq azim. Lakin, on n'a pas le droit de lui obéir dans tout. Là, innama at-ta'a bil ma'ruf. L'obéissance du père, c'est par rapport à l'obéissance du prophète, alayhi salatu salam. Et si un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un ordre. Matalan, on n'a pas le droit de faire telle chose. Et ton père, il te dit, tu dois faire cette chose. Un nabi ou awla bil mu'minin min anfusihim. Tu dois obéir au prophète, alayhi salatu salam. Et tu montres à ton père que tu n'as pas le droit de lui obéir dans ce point. Qala falaysa lahu fi nafsihi tasarrufun qat illa ma tasarrafa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam alladhi huwa awla bihi minha. Et هذا سنرد على المجرمين الملحدين qui prétendent que l'être humain il est libre, il fait ce qu'il veut. Là, al-mu'min, c'est un mu'min. Pourquoi c'est un croyant? Li'annahu, il croit en Allah Azza wa Jalla et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il croit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une croyance qu'avec la langue. Là, avec le cœur, avec la langue, et kadhalik avec les membres. On doit se soumettre. Et on doit lui obéir, alayhi salatu salam. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé en tant que rahma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et kadhalik, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était ahras minna. Qala azza wa jal harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît le bien mieux que toi, il veut le bien pour toi plus que toi-même. Fa lihada, il a patienté, il a fait beaucoup de sacrifices et il a transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله لفت هذا الكلام النفيس أنه لا ينبغي pour le croyant qui croit et il est convaincu, il n'a aucun doute أن محمد صلى الله عليه وسلم c'est le dernier des prophètes, le dernier des messagers, de faire passer la vie d'un autre avant le sien, ou le jugement d'un autre avant le sien. قال وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول وأن ما جاء به لا يفيد اليقين. هذا تقدم معنا dans les دروس العقيدة. المعتزلة الضلال, une secte qui est apparue après l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prétendu que certains ahadiths, ay al-ahad, ay la chaîne de transmission, les rapporteurs, ils ne sont pas nombreux. فَعِنْدَهُمْ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُوْفِدَ الْيَقِينَ. Tu ne peux pas prendre ce hadith, لِمَاذَا لِأَنَّهُ tu ne peux pas en déduire la certitude. Il y en a ce rapporteur, ou ces deux, ou ces trois rapporteurs, peut-être qu'ils se sont trompés. Ils ont délaissé des hadiths sahiha et khalafu ulama al-hadith. Ils ont délaissé la voix de Ahlul Hadith, de Ahlul Sunnah, et ils ont fait passer leur raison avant les textes. Et tu trouves anna ha'oula, ils prétendent annahum, c'est les suiveurs du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et annahu illam. Si ha'oula illam vraiment, ils doivent accepter sa parole. Même si ce hadith il a été rapporté par un rapporteur. Tant que c'est une personne de confiance, on accepte. قال وإنما يتلقى من دلالة العقول وأن ما جاء به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من الأقوال التي تضمنت أو التي تضمن الإعراض عنه وعما جاء به. C'est pour ça que هؤلاء ils se sont égarés dans la principale ou dans le principal fondement, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs. Al-Mu'tazila, pourquoi ils ont rejeté beaucoup d'attributs? لماذا لأن عندهم cet attribut il a été cité dans ce hadith, et ce hadith, on ne peut pas le prendre. Même s'il est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. فالإنسان يحذر. كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Délaisser la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour l'adorer. Et pour l'adorer, on doit suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال والحوالة في العلم النافع على غيره وذلك هو الضلال المبين. نعم دليس السافوا سي الضلال. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Tu as deux choses, tu as la voix du prophète صلى الله عليه وسلم et tu as autre. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم الإسلام الإيمان القرآن. C'est la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. Autre, c'est al-subul, c'est l'égarement, c'est al-dalal. قال ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سوى. Comment faire pour suivre هذا النبي صلى الله عليه وسلم? Comment faire pour appliquer cette hijra? On est toujours في hijra, al-hijra إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu n'as qu'un moyen, c'est de le suivre عليه الصلاة والسلام, bien sûr, sincèrement, bien sûr, avec mahabba. Et tu t'écartes de tout ce qui contredit sa sunna. هَذَا قَوْلُهُ إِلَّا بِعَزْلِ. العزل, c'est mettre de côté. إِلَّا بِعَزْلِ كُلِّ مَا سِوَى. نعم. لِمَاذَا لِأَنَّ الْعِبَادَ et الطَّاعَ, c'est suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas un autre. كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِعُوا اللَّهُ وَأَطِعُوا الرَّسُولُ. Et كم من أدلة في هذا؟ بكو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالـ suivi, c'est un حق que pour le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Même si on suit un autre, c'est par rapport à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Et il n'y a aucun doute que la sunna des خلفاء رضي الله عنهم, c'est la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Et كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي on obéit aux parents, aux gouverneurs, aux savants, etc. Si Bien sûr, c'est pas dans un péché. Mais si c'est dans un péché, une mukhalafa, une bid'a, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. قال ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل إلا بعزل كل ما سواه. أي الأولوية أي faire passer le Nabi صلى الله عليه وسلم avant. فpour faire passer le Nabi صلى الله عليه وسلم avant les autres, t'es obligé de mettre les autres de côté في هذا dans le suivi. أي on parle هنا l'adoration. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas un autre. Qala wa tawliyatihi fi kulli shay wa 'ard ma qalahu kullu ahadin siwah 'ala ma ja'a bih. Ta'ammal hada. 'Ard ay quand une personne a un avis, fa tu exposes cet avis 'ala ma qalahu sallallahu alayhi wa sallam wa 'ard ma qalahu kullu ahad سوى على ما جاء به. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mizan. Par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à une de ses actions, muhim sa sunna, on acceptera ou on rejettera la parole des autres. Comme a dit l'imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Alayhi sallatu wa sallam. قال فإن شهد له بالصحة قبله وإن شهد له بالبطلان رده. Donc l'avis ou la parole ou la position de un tel minannat, si elle est en concordance avec la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, on accepte. Si elle contredit la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, on la rejette. قال وإن لم يتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. Si tu ne sais pas, attends. Une parole, tu ne sais pas si elle est basée sur une sunna, أم لا. Ou est-ce qu'elle concorde, elle concorde avec la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, ou elle la contredit. فهي هذا الحال, prends ton temps. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. On revient aux savants. Et on demande, khassatan al-kalam al-gharib. Surtout des positions qui sont étranges. Une chose que tu n'as jamais entendue, et c'est une chose, en apparence, le cœur, il ne l'accepte pas. Va vivre dans le hal, là, c'est adulte. Ne te précipite pas à l'accepter, ne te précipite pas à la rejeter. Là, va vivre dans le hal, tu demandes aux savants de la sunna, et les savants de la sunna, ils vont te montrer, est-ce que cette parole, cette position, est-ce qu'elle est en concordance avec les textes amla? قال فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة. C'est une provision essentielle pour ta hijra. Ta hijra ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam et ta hijra ila Allah azza wa jal, t'es obligé de suivre al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fait, tu as cette provision. C'est mitl al-musafir. Quand on voyage, pour arriver à notre objectif, à la ville que tu as choisie, ou le pays, la région, l'endroit que tu veux, tu es obligé de connaître le trajet. À notre époque, on a des applications. À l'époque, ils avaient des cartes. Bardenas, ils ne savent pas utiliser ces applications ou ces cartes. Ils demandent, ou ils suivent quelqu'un. Là, de connaître le chemin. Ou illa l'insan, il se perd. Al-hijratu ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le trajet, le parcours, comment tu dois le connaître? En le suivant. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut se perdre à tout moment. Il peut se faire beaucoup de mal. Faqala rahimahullah wa istaqama lahu ilmuhu wa amaluhu wa aqbalat wujuh al-haq ilayhi min kulli jiha. Kadhalik, pour que ton ilm il soit accepté indallah, et que Allah subhanahu wa ta'ala y mette de la baraka, du bien, et kadhalik tes œuvres elles soient acceptées, t'es obligé de suivre هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et l'amal il n'est pas accepté s'il n'est pas fondé sur la sincérité et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. قال ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها. Et هذا c'est un نصح طيب. Mais l'ajab, et ce qui est étonnant, certains, ils ont délaissé le suivi du prophète et l'étude de sa sunna, et ils se sont occupés avec l'étude d'autres choses. Et avec les avis et les paroles de un tel et un tel. En délaissant la base. قال رحمه الله ونصبه ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها حتى البعض عياذا بالله قلدوا وتعصبوا وغلوا في الأشخاص وفي المذاهب وفي الأقوال حتى si tu délaisses la parole de tel savant ou si tu ne suis pas tel madhhab مثلا parmi les écoles juridiques ou tu n'as pas la pensée de un tel. Enfin, certains, ils se mettent en colère. Qu'annaka, tu as délaissé la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Et ça, c'est de l'exagération. Qala Allahu azza wa jalla, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. On n'a pas le droit d'exagérer. On n'a pas le droit d'élever une personne au rang du prophète, alayhi salatu wasalam. Limadha, li'anna, celui dont on n'a pas le droit de délaisser les paroles. Et si quelqu'un délaisse sa voix, ou ses paroles, alayhi salatu wasalam, ça peut nous mettre en colère. Hada, c'est que pour le prophète alayhi salatu wasalam. Amma autre que lui, sallallahu alayhi wa sallam, on peut accepter sa parole, on peut la délaisser, ça dépend. Est-ce qu'il a suivi le haq, est-ce qu'il ne s'est pas trompé, etc. Falihada qala wa ar-ridha biha wa at-tahakum ilayha wa 'ard ma qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam alayha. Ta'ammalu, akas al-umur. Annahum, ils sont satisfaits dès que c'est Cheikh un tel qui a dit, ou cet avis il est présent maintenant dans leur école juridique. Et كذلك يحاكمون إليها لا يحاكمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et ta parole, si elle est en concordance avec le madhab ou avec tel Cheikh, tu seras accepté. Et tu seras rapproché, tu seras aimé. Si tu contredis le madhab ou le Cheikh, tu seras détesté, éloigné. هذا من التحزب المذموم. On n'a pas le droit. Ça, c'est que pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit avoir ses positions. فَلِهَذَا قَالَ فَإِنْ وَافَقَهَا قَبِلَهُ وَإِنْ خَالَفَهَا الْتَمَسَ وُجُوهَ الْحِيَلْ وَبَالَغَ فِي رَدِّهِ لَيًّا وَإِعْرَاضًا. نعم. أما si, عياذا بالله, sa position, elle contredit la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à trouver des excuses. Mais peut-être qu'il a voulu. Mais si, il a akhiré. Et ba'dhum, kama qala, wa balagha fi raddihi layyan wa i'rada. Kama qala Allah ta'ala, wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Al-imam Ibn Kathir, rahimahullah, fi tafsirihi, il a expliqué. Al-lay, qala, wa huwa at-tahrif, wa ta'ammud al-kadhib. Et il va, ou plutôt il a, expliquer ce passage dans un kalam juste après. Là, qu'il a, on essaye de simplifier. Huna. Walou bi'khtisar. Faqawluhu wa in talu ou tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Tu as deux points essentiels. Huna. Ayy ba'dhan nas, par rapport à la vérité, il s'en écarte de cette vérité à cause de deux choses. Imma al-lay, al-lay c'est le tahrif, le fait de déformer, le fait de vouloir interpréter. Ou al-i'rad, al-i'rad c'est le fait de se détourner. Fahdhar de ces deux choses. Si tu as une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, reviens aux savants de l'islam. Si les savants de la sunna ils t'expliquent, ne cherche pas à déformer par rapport à tes passions. Et encore plus grave de te détourner. Falihada qala, on répète l'an, fa in wafaqaha qabila. Et si la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en concordance avec leur position, ils l'acceptent. Wa in khalafaha altamasa wujuha al-hiyal. Si la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit sa position, il essaye de déformer. Mais peut-être qu'il a voulu dire hada wa ba'dhum, ils vont dire, mais le hadith il est da'if. Min ayn il est da'if? Si les ulama ils l'ont sahah. Et ba'd an-nas ils savent très bien qu'il est authentique, là qu'il n'est pas sûr. Ils essayent de déformer. Vous avez remarqué que 'inda ha'ula. Et ha'ula c'est les gens des patients. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus la base. La base, c'est leur position. Enfin, quand la sunna, elle est en concordance avec leur passion, ou leur position, ils l'acceptent. Quand elle est plus en concordance, ils ne suivent pas la sunna et ils essayent de déformer. Mais peut-être que kada, mais le hadith il est dhaif, etc. Thumma, il a cité le verset. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il a un kalam jamil. Fi hada, naqra, qala rahimahullah ta'ala, at-ta'assub lil-qawl, sababun lil-dhalal. At-ta'assub, c'est le fait de s'entêter, le fait de délaisser la vérité. Fa at-ta'assub lil-qawl, sababun lil-dhalal. Le fait de s'entêter et vouloir suivre forcément un avis qui contredit la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, hada, c'est de l'écartement. Liman Ali, on n'a pas le droit de suivre autre que un Nabi alayhi salatu wassalam. Qala at-ta'assub lil-qawl sababun lil-dhalal. Wa qala Allahu 'azza wa jalla wa ma kana lil-mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyratu min amrihi wa man ya'si Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, c'est min ad-dhalal, et on n'a pas le choix. Qala Sheikh Al-Uthaymeen, وأن الإنسان ينبغي أن يستدل أن يستدل ثم يعتقد لا أن يعتقد ثم يستدل. On fait attention à هذا. Quand on veut avoir une position, un avis, أولا on doit avoir un دليل. ثم on base notre position, notre croyance, notre action sur la preuve, pas l'inverse. وإلا بعض أهل الأهواء ils font l'inverse. كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت تلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدت. C'est exactement ce que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah il a cité. Si on ne fait pas attention et on fait l'inverse, on a une position, comment on cherche un délil pour renforcer notre position, on suit notre shir, une école précise juridique, comment on essaye de trouver un délil pour appuyer notre position. Ça, c'est min al-hawa. لماذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا اعتقدت ثم استدلت تلوي. Vous avez remarqué, c'est le même mot qui est cité dans At-Tabuki, dans le verset. وإن تلوي. تلوي, c'est le fait de, littéralement, c'est le fait de tordre une chose, de la plier. قال شيخ ابن عثيمين ثم استدلت تلوي أعناق النصوص. تلوي أعناق النصوص, أي tu vas tordre, tu vas manipuler les textes pour les façonner à ta façon, pour que ça concorde à ta position. Ça c'est min al-hawa. Comme min al-nas, ils ont une position, tu lui demandes d'être dalil, il sait pas. Donc quand tu lui montres cet égarement, il fait une recherche, un jour après, deux jours après, une semaine, il cite un dalil qui n'est pas à sa place, lakin que pour te repousser. Ça c'est min al-hawa, on doit faire attention. Umirna bil-ittiba'. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on s'est trompé, on avait une position, thumma, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de délil, on a suivi un shir, thumma, on s'est aperçu que as-sawab c'était vers un autre shir, il avait un avis plus fort qui est fondé sur un délil. Enfin, dans ce cas, on délaisse notre position et on revient à la vérité. Sans essayer de tordre al-adilla comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, essayer de trouver des excuses qui ne sont fondées sur rien, tout ça, c'est un problème dans la sincérité et c'est un problème dans le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Wa illa, celui qui a une mahabba qawiyya, qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un amour très très fort, son seul but c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, si quelqu'un lui montre, il est convaincu de la réponse elle est fondée bien sûr sur la science, il n'a aucun mal à suivre. Il est où le problème? Le problème c'est de délaisser la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Le problème, ce n'est pas de suivre un Nabi alayhi salatu wasalam. Enfin, attention, on n'a pas le droit de faire du suivi du prophète sallallahu alayhi wasalam un problème. Iyadan billah. Là, le problème, c'est dans autre. Un Nabi sallallahu alayhi wasalam, il a été envoyé avec le huda wa din al-haq alayhi salatu wasalam. Thumma qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, thumma istadalta talwi a'naq an-nusus litwafiq ma i'taqadta, lakin idha istadalta awwalan ثم اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل. أما si on fait des efforts dans l'ilm et notre objectif c'est le suivi du prophète alayhi salatu wasalam, avant de croire à une chose, avant d'accepter une chose, avant de faire une chose, on cherche un dalil. Quand on a un dalil, bien sûr à notre niveau, ce dalil doit être expliqué par les savants de la sunna. Quand on a le dalil avec les explications, on suit. Et vous verrez que notre suivi sera très très simple. Il sera basé sur la sérénité, la quiétude, la tranquillité. Et alhamdoulilah. Et malgré cela, si tu t'es trompé, le hadith que tu as suivi, c'est un hadith dhaïf. Hein, tu ne savais pas. Tu as pris ce hadith, tu as pris l'explication d'un savant, que ce savant, matalan, il pensait que le hadith il était authentique. Donc, un autre savant, il montre avec les preuves que ce hadith il est dhaïf. Donc, dans ce cas, on te laisse. Et le savant de la sunna, on le respecte. Alhamdulillah, on a la conviction, il est récompensé pour son ijtihad. Et ça s'arrête là. هذا الكلام كلام جميل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الكلام اللي في شرح العقيدة السفارينية للشيخ رحمه الله ثم قال رحمه الله وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة أن نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها نعم رحمه الله après avoir cité ce verset وإن تلو أو تعرضوا etc. Il a montré, rahimallah, ce verset, là, tu peux tirer beaucoup de leçons, beaucoup de points profitables. Enfin, rahimallah, il a cité le verset du début à la fin, il va citer Ba'd al-Fawa'id. On est toujours dans l'explication du deuxième, mais il a cité cet autre verset, Mimbab al-Fa'ida. Qala rahimahullah, qala ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina bil-qist, shuhada'a lillah, walau ala anfusikum, aw al-walidain wal-aqrabin. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدو كان أو وليا Et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être juste. Al-qistu, c'est l'adl. C'est être juste, la justice. Fallah subhanahu wa ta'ala amarana bil-qist. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil-qist. Ay labud an naqoum bihad al-qist. Ay on doit pratiquer. On doit avoir daiman comme intention d'être juste. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حق كل أحد عدو كان أوليا. Et être juste, ce n'est pas qu'avec nos proches. Être juste, ce n'est pas qu'avec ceux qui sont d'accord avec nous, qui ont les mêmes positions que nous. Là, العدل والقسط, c'est avec جميع الناس. العدو والولي. الحبيب والبغيض, celui que tu détestes. Celui que tu connais, celui que tu ne connais pas. Celui qui a ta position, celui qui n'a pas ta position. On doit être juste. C'est quoi la justice? C'est quoi l'adl? L'adl, c'est le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. On doit être juste en suivant un nabi, alayhi salatu wassalam. قال وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدو كان أو وليا. كذلك un autre verset, سيأتي معنا. إن شاء الله تعالى من سورة المائدة. الإمام ابن القيم رحمه الله إلى سيتي دو فيرسي بور مونتري سيت معنى قال وأحق من قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلق بأمر الله وخبره فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله tu dois être juste كذلك avec الأقوال والآراء والمذاهب الأقوال c'est les paroles الآراء c'est les avis المذاهب c'est Mathalan, les écoles juridiques, telle école. Tu dois être juste, fi hada. Comment elle se concrétise, cette justice ? Qala, id hiya muta'alliqatun bi amrillah wa khabri. Fal qiyamu fiha bil hawa wal asabiyya mudaddun li amrillah. Celui qui suit aveuglément, qui s'entête à garder une position, ou à suivre un shaykh, alors que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui est parvenue, هذا لا شك أنه إلي با جوست ووقع في الحرام بالإجماع on a déjà lu ensemble la parole de l'imam الشافعي رحمه الله أن أجمعة الأمة أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعها لقول أحد celui qui a connaissance de la voix du prophète صلى الله عليه وسلم dans un sujet quelconque il n'a pas le droit de délaisser la voix du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce sujet Et bien sûr, dans tous les sujets, pour suivre un autre. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a rapporté al-Ijma'a, l'unanimité. Thumma qala, rahimahullah, إذ هي متعلق بأمر الله والخبر وخبره فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث الله به رسله والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وأمنائه بين أتباعه ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. Celui qui est juste, c'est celui qui fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Celui qui adore autre qu'Allah, il n'est pas juste. Bel c'est min al-zulm. Inna shirka al-zulm al-azim. La justice, kadalik, c'est de suivre la sunna du prophète alayhi salatu salam et de ne pas s'entêter. Ihdhar min al-ta'assub. Que ce soit à ton shir, que ce soit les avis qui sont propagés dans ton bilad, que ce soit une école juridique quelconque. La yajouz al-ta'assub. Tu profites du ilm et où qu'il soit, et bien sûr, tu le prends inda ahl sunnati wal jama'a et tu t'écartes de ahl al-bid'a wal ahwa et ida tabayyana lak, si on t'a montré ou tu as pris connaissance que tel avis, telle école, tel shir, muhim, annahu ya une mukhalafa au prophète alayhi salatu salam, fa te laisse. Qala أولئك هم الوارثون حقا لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له. هذا الكلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب كما يقولون. Ça c'est des paroles en or que هذا الإمام رحمه الله il a résumé بهذا الكتاب النفيس. قال لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عياراً على الحق أي ceux qui ont contredit la voix du prophète عليه الصلاة والسلام c'est هؤلاء أي ils ont comme base et comme mizan et comment ils vont juger les choses et comment ils vont accepter ou rejeter les choses par rapport à leurs amis أصحاب أي si ces amis ils ont un avis ils ne peuvent pas les contredire et كذلك si le حق il lui parvient et ses amis ils ont un autre avis فكما تقدم il va essayer de déformer ce dalil, de le façonner par rapport à sa position et à celle de ses amis. قال ونحلته ومذهبه. كذلك مثلا يسوي le madhhab de l'imam Ahmed رحمه الله ou le madhhab de l'imam al-Shafi'i et un dalil qui contredit le madhhab là vu que pour lui le madhhab c'est la base, il va adapter le hadith par rapport au madhhab, pas l'inverse. Normalement c'est l'inverse. Le madhhab il doit être fondé sur ad-dalil. Illa c'est plus la vérité, c'est les passions. Fa'ad al-muta'assiba, ils font l'inverse. Le dalil, imma il va le rendre faible. Pourquoi? Parce que le madhhab ils l'ont pas accepté. Imma il va l'interpréter. Imma il va se détourner, il va faire comme s'il n'y avait pas de dalil. Et il va dire lakin le madhhab. Et ba'dhum ils ont une autre shubha très très grave. Yaqulun, mais si c'était la vérité, le madhhab il l'aurait su. Mais si c'était la vérité, tel shir il l'aurait forcément suivi. Ça c'est min al-hawa. Ça c'est très très grave. Bien, ça veut dire que ce shir ou ce madhhab, ils ne peuvent pas se tromper. Et là, c'est complètement faux. Dans tous les madhhab, il y a des erreurs. Chaque shir, il a une, deux, trois ou plus d'erreurs. Qala, rahimahullah. Qala, iyaran ala al-haq wa mizan lillah. وميزان الله يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. Ça c'est une définition طيبه de al-hizbiyya. Si tu cherches une définition, c'est quoi al-hizbiyya? C'est quoi التحزب? Al-Imam Ibn al-Qayyim رحمه الله il a cité une définition طيبه. يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. أي son amour, sa haine. Le fait qu'il accepte quelqu'un, qu'il le rejette, qu'il fréquente quelqu'un ou qu'il ne le fréquente pas, c'est par rapport à ses positions à lui, ou son shir, ou le madhab. Et ça, c'est al-ta'assub et c'est le hizbiyya. C'est pour ça qu'on vit à une époque où il y a des ahzab, des groupes. Des groupes qui ne sont pas fondés sur al-Qur'an ou al-Sunnah. Il y en a normalement, en tant que sahib haq, sahib adl, en tant que sunni, al-mi'yar ou al-mizan, et on aime et on déteste par rapport au texte. On accepte, on rejette par rapport au texte. Si c'est par rapport à l'environnement où l'insan y vit, les avis qui sont propagés dans le pays, ou ses amis ont tel avis, ou son shir, ou une école quelconque, هذا c'est من التحزب. يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il le rejette, il le repousse, il le déteste. Si quelqu'un est d'accord avec lui, même si ils sont ignorants les deux, même si ils sont égarés les deux, même si la vérité leur est parvenue et ils la rejettent, ils s'acceptent. عياذا بالله. هذا c'est très très grave. كما قال مؤسس الفرقة الضالة فرقة الإخوان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Tant qu'ils sont d'accord, ils s'acceptent. S'ils sont d'accord sur une chose, ils s'acceptent. Si ils sont en divergence, كل واحد il se tait sur l'autre. لا نصح لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر بل مجاملة. Et كل واحد il caresse l'autre comme il veut. Et tant qu'il est d'accord, alhamdoulilah. Ah, ça ne fait pas partie de notre dîn. Notre dîn, il est fondé sur an-nasiha. Notre dîn, il est fondé sur l'ilm. Notre dîn, il est fondé sur l'amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tout ça avec ilm, avec hikma, avec sagesse, avec douceur. Et notre but, c'est que ce frère, il revienne au haq. Notre but, c'est de propager la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Pas que les gens, ils nous suivent. Qala, rahimahullah. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. Donc ceux qui appellent à être juste et ils contredisent la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et ils rejettent sa sunna quand ça contredit leur position et ils s'entêtent et يتحزبون, ils ont fait des groupes. Si tu es d'accord avec eux et t'acceptes, tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un ignorant, tu es un hizbi, tu es un égaré, etc. Ah, ou là, ils ne sont pas justes. Et celui qui n'est pas juste, il contredit la voix du prophète, alayhi salatu salam, bel et contredit Amr Allah, azza wa jal. Kounu qawwamina bil qist. Hakada qala azza wa jal. Qala thumma qala shuhada alillah. Wa shahidu huwa al mukhbir. Fa in akhbara bi haq fa huwa shahidu adlin maqbul. Wa in akhbara bi batilin fa huwa shahidu zur. فأمر الله أن يكون الشهداء له مع القيام بالقسط وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره. نعم. كذلك notre témoignage il doit être بالحق. On doit témoigner véridiquement et كذلك être juste. Tout ça لله, pour Allah سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Tu as deux versets. Tu as le verset de Sourate An-Nisa. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, il l'a cité entièrement dans la page précédente qu'on vient de lire. Et tu as ce verset min Sourate Al-Ma'ida. Il a cité une partie. On peut le citer entièrement. Qala Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillah shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فتضمنت الآيتان أمورا أربعة les deux versets celui qu'on vient de lire من سورة المائدة et le verset précédent ابن القيم رحمه الله il l'a cité dans Tabouqiyya qu'on vient de lire كذلك. Donc tu as quatre choses, ces deux versets renferment quatre choses. أحدها القيام بالقسط, être juste. والثاني أن يكون لله, que ce soit pour Allah. الثالث الشهادة بالقسط, témoigner avec adl, en étant juste. والرابع أن تكون لله. Donc tu as القيام بالقسط et tu as الشهادة بالقسط et tout ça, ça doit être لله. قال واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة بالقسط والشهادة لله وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. نعم. Et tu trouves مثل هذه الفوائد dans كتب التفسير. أي le fait qu'il y a cette différence dans les deux versets. ثم قال رحمه الله ثم قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد. لماذا؟ لأن أحيانا les proches, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le verset, أو الوالدين والأقربين. الوالدين c'est les parents, Al-Aqrabin, c'est les proches. Ahyanan, ha'oula, ils peuvent faire une chose qui contredit la vérité. Ou ils peuvent être injustes dans une chose. Et Al-Insan, lui-même, il n'a pas une position de vérité et de justice. L'imam, là, les anaos, c'est des personnes qu'il aime. Et ça arrive souvent, l'être humain, il a été créé avec ses sentiments, laquelle on doit combattre notre nefs. Et la vérité, c'est la vérité. Que ce soit avec une personne proche ou une personne que tu ne connais pas, ou que tu n'aimes pas, ou qui ne t'aime pas. Al-adlu, c'est mohim, être juste. قال فأمر سبحانه بالقيام بالقسط أو نعم نعيد قال فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق. En général, c'est comme ça. En général, l'insan, il a du mal à s'imposer des choses à lui. Et avec les autres, il impose très facilement. Vous avez remarqué, ils ont de la dureté envers les autres. Maintenant, si quelqu'un fait un péché, peut-être qu'il va avoir de la dureté, il va exagérer, il va dépasser les limites. Alors que normalement, on doit être sage, être doux, etc. Et quand c'est lui, il se pardonne beaucoup de choses. Ça, c'est un manque de justice. Là, tu dois être juste envers toi-même et envers les autres. Si tu as de la rahma envers toi-même, kadhalik, et de la rahma envers les autres. Qala, wala siyama idha kana al-haq liman yubghidhuhu wa yu'adihi qibalahum. فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواهما. Et cet exemple, il est clair. أن مثلا, des personnes que tu aimes, ils sont injustes envers une personne que tu détestes. تأملوا, suivez, des personnes que tu aimes, ils sont injustes envers une personne que tu détestes. صاحب العدل صاحب الحق et celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde, هذا, il sera juste. Il dira à ses proches là, même si on le déteste, même si il a fait telle chose, on n'a pas le droit maintenant de mentir, on n'a pas le droit de l'accuser d'une chose qu'il n'a pas fait, on n'a pas le droit de rejeter sa position si c'est lui qui a la vérité. Ou maintenant, il est injuste, il est mauvais, etc. Lakin, dans un sujet, dans une situation quelconque, c'est lui qui a la vérité. Dans ce cas, on n'a pas le droit de dire à nos proches, là, c'est vous qui avez la vérité. Ça, c'est min al-zulm et c'est min al-udwan. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, comme on a étudié ensemble au début de cette rissale. قال الإمام رحمه الله ابن القيم وهذا يمتحن به العبد إيمانه. Tu veux connaître ta foi, tu veux te tester et ton niveau dans ad-din et ton amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ton cramponnement au texte, teste-toi face à cette situation. Si tu t'attasses ou tu n'arrives pas à être juste dans cette situation et avec quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu détestes, là, c'est une faiblesse. قال ابن القيم رحمه الله فيعرف منزلة الإيمان من قبله ومحله منه. Avec cet exemple, tu connaîtras ton niveau et le niveau de ta foi. قال وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن ينشأه. نعم, on l'a cité dans notre explication. وعكس هذا عدل العبد. Tu dois être juste في أعدائك ومن يشنأه. من يشنأه أي من يبغضه. كما في قول الله عز وجل le verset qu'on a lu من سورة المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. شنآن أي بغض قوم, أي que la haine envers quelqu'un ne vous pousse pas à être injuste même si il s'est passé quelque chose, بل même si c'est un عدو من أعداء الله, un كافر qu'on doit détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit d'être injuste. On n'a pas le droit de dire, madalane, ce kafir, il a fait telle chose alors qu'il ne l'a pas fait. On n'a pas le droit de dire, madalane, ce kafir, il a fait l'adultère alors qu'il ne l'a jamais fait. Ou qu'il boit de l'alcool alors qu'il ne boit pas. Ou qu'il a volé alors qu'il n'a pas volé. Hada, ça ne fait pas partie de notre dîn. Ça nous montre que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est fondée sur l'adl, sur la justice. Qala, rahimahullah. فإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. هذا كلام جميل جدا. أي ton بغض ta haine ton mépris envers quelqu'un il ne doit pas te pousser au batil, au mensonge, à l'injustice, etc. كذلك حبك, ton amour envers quelqu'un, envers tes enfants, envers tes parents, envers ton ami, ça ne doit pas te pousser كذلك à ولا يقصر به هذا الحب عن الحق, ça ne doit pas te pousser à délaisser la vérité. مثلاً cet ami, ce proche, il a fait quelque chose de mauvais et tu te tais, tu n'arrives pas à parler. هذا c'est une faiblesse. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite qu'on s'améliore. On a des faiblesses. Celui qui pense qu'il n'a pas de faiblesse, en général, il ne connaît pas cette vérité, il ne se connaît pas lui-même. Mais celui qui se connaît, qui connaît cette vérité, que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité, il se rendra compte qu'il a des manquements. Et qu'est-ce qu'on conseille nos frères, et on a déjà fait ce conseil kathiran et on le répète, quand tu entends ce genre de nasa'ih, mitla hadhihi an-nasiha al-jamila qu'on a étudié ensemble aujourd'hui, ne pense pas qu'aux autres. Mathalan, بعض الناس quand ils écoutent mitla hadhihi an-nasiha, ils se remettent pas en question eux-mêmes. Là, ils vont regarder les autres. Ah, c'est vrai qu'un tel, il fait souvent telle chose et il a un manque dans hada. Regarde-toi. Heureusement que, ou plutôt bien sûr qu'un tel, il a des manquements. Lakin, on a tous des manquements. Enfin, avant de pointer du doigt les autres, hasib nafsak. Tu as hada al-mizan. Ton comportement ou les positions que tu prends avec tes proches et les autres. Est-ce que c'est fondé sur la vérité am la? Et كل واحد يحاسب نفسه, et chacun de nous on fait des efforts. قال كما قال بعض السلف العادل هو الذي اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. هذا كلام جميل جدا. قال في الحاشية روي نحو عن محمد بن كعب وأخرجه الطبراني عن أنس مرفوعا, أما المرفوع لا يصح. قال الهيثمي فيه بشر ابن الحسين وهو كذاب. نعم, أما en tant que حديث, لا c'est pas un حديث, فلهذا قال ابن القيم رحمه الله قال بعض السلف. على كل حال سن حكمة جميلة. العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل. Celui qui est juste, c'est celui quand il se met en colère, sa colère elle ne le pousse pas à être injuste, à mentir, à accuser les autres. مهم à tomber dans le faux. وإذا رضي لم يخرجه رضا عن الحق. Et quand il est satisfait, il est content, il est joyeux, etc. Ça ne le fait pas sortir de la vérité. Les Bardenes, tellement qu'ils sont contents, ils font des choses et ils sortent de la vérité. Et les Bardenes, tellement qu'ils sont en colère, ils tombent dans le batil, dans le faux. Ça nous montre, ou nastavid min hada, une faïda, azima, anna min a'zam ma yusrifu l'abd ani l'haq, parmi les plus grandes causes qui font sortir la personne de la vérité, c'est ces deux choses. Al-ghadab, la colère, et al-atifa, les sentiments. Et al-haqiqa, les sentiments pour les deux, que ce soit la colère ou son opposé, le fait d'être heureux. Ces deux choses, ça fait sortir de la vérité. Fahdhar, vous avez remarqué que ces deux mots, ou plutôt ces deux sens qu'on vient de citer, la colère et le fait d'être joyeux, c'est al-hawa, si ce n'est pas fondé sur la vérité. Bardenes, ils suivent al-hawa, ils se mettent en colère, ils font certaines choses. Bardenes, ils suivent al-hawa, et tellement qu'ils sont heureux, ils laissent le droit chemin, ils délaissent le droit chemin. Falihada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand un de ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, il lui a demandé un conseil, il lui a dit, la tarzab, ne te mets pas en colère. Et l'être humain se met en colère, ça fait partie de notre nature. Lakin la tardab, fais attention que cette colère, elle ne soit pas la cause que tu sortes du droit chemin. Falnahdhar, on fait attention. On fait attention à la colère, on fait attention à la joie, on fait attention à la tristesse. Et l'excès dans ces choses et Et délaisser Al-Adl, la justice, Al-Adl, donc c'est revenir à la sunna du prophète, ça peut nous pousser à un excès de colère, à dépasser les limites, un excès de joie, à dépasser les limites, ou un excès de tristesse, كذلك, à dépasser les limites. Naam. Wa naktafi bihada, dahab al-waqt, et on passe à notre deuxième dars, inshallah ta'ala.